Chapitre 17e. La revanche du jeune Parde. Ce ne fut pas un sentiment de peur personnelle qui, dans la circonstance, dicta la conduite du chef. Ce fut plutôt une sorte de respect pour la stratégie supérieure d'un vieil allié, un magnétisme qui engourdit son énergie et le plia à la volonté de l'audacieux outlaw. Fasciné, charmé, comme si l'œil de l'homme blanc était véritablement un œil de reptile, Oweta s'avança lentement, suivi de Madge. Les bras des guerriers Comanches retombèrent le long de leurs flancs, et ils regardèrent ce qui se passait, la bouche muette et les yeux ébahis. Ils n'auraient pas fait un mouvement sans l'ordre de Oweta. « Que la paix soit entre Oweta, le serpent de la piste, » dit l'Indien. « Le chef Comanche fera ce que veut son frère blanc. » Toujours sous l'influence de Damon Reeves, Oweta donna un ordre, et les Indiens se glissèrent hors de vue du côté des tentes, tandis que les Outlaws disparaissaient comme des fantômes. « Voici tout d'abord ma main, » dit Reeves, présentant sa paume ouverte. « Nous sommes de nouveau des frères, et toutes les promesses à vous faites, je les tiendrai. »« Si le serpent vit, » répondit le chef d'un air sombre, « il y a du danger pour lui dans l'air. Oweta voit sur son visage l'ombre de la mort, qu'il fuit promptement avant que le sang tombe sur son sentier. » « Vous avez raison, » s'écria le Culebra fébrilement, « car des bruits de coups de feu et des hurlements lointains parviennent à ses oreilles. Ils viennent là-bas. Oh, à moi les Outlaws, à l'entrée du canyon pour défendre le passage. Allons, Oweta, ralliez vos guerriers, et quant à vous, jeune fille, pour qui j'ai tout risqué, venez, je n'aurais pas perdu la partie. Vos amis ont frappé leur coup trop tôt. Le serpent glisse entre les roches et ne laisse point de traces. » Son cheval, obéissant à la pression de ses genoux, fit un bond qui le porta à côté de Madge. Celle-ci, la tête tournée, ne s'occupait que de voir ce qui se passait au-delà de l'entrée du canyon. Les Comanches qui avaient été envoyés à la rencontre du danger pressenti revenaient à toute hâte en une cohue désordonnée, et derrière eux, les serrant de près, galopaient avec un bruit de tonnerre, les jaquettes bleues, le major Bolton en tête. El Culebra, pliant deux sur sa selle, enlaça de son bras la taille de Madge et, se relevant d'un effort, la mit devant lui sur l'arçon. « Vous venez trop tard, je réclame ma prise » cria-t-il en secouant la tête vers les cavaliers qu'on voyait au loin. « Et moi je réclame mon coup de pistolet !» dit une voix au timbre riche et clair qui résonna dans tout le canyon, et une brève détonation se fit entendre au moment où Damon Reeves tournait son cheval pour disparaître dans le petit ravin latéral qui débouchait là. Et l'on vit arriver Ralph Duncan, poussant Fernel le long du lit rocheux du canyon, sans chapeau, ses longs cheveux flottant derrière lui, la main armée d'un revolver encore fumant. À son côté se hâtait Buffalo Bill, et derrière eux venait Harper Clyde. La main d'El Culebra lâcha la taille de Madge. Il battit l'air de ses deux bras, tandis que ses doigts se crispaient convulsivement, car le coup du boy Bravo, du jeune Parde de Buffalo Bill, ce coup qu'il avait joué perdu, l'avait frappé en plein cœur. Au bout d'un instant, il tombait de son cheval comme une masse, lançant par contre-coup Madge de l'autre côté. Heureusement, comme elle tombait les mains ouvertes, cherchant quelques points d'appui, elle saisit les rênes et se trouvant saine et sauve sur ses pieds, d'une furieuse secousse sur le mort, elle arrêta le cheval du bandit. Là, elle attendit, près du corps du mourant, la main aux rênes, les yeux fixés sur le terrible spectacle de cette agonie, tandis que Mrs. Dennison, qui pendant toute cette terrible scène avait passé à peu près inaperçue, se blottissait derrière elle. Fernel s'arrêta d'elle-même devant sa maîtresse et Ralph Duncan sauta légèrement à terre. « Ne le plaignez pas, Madge, il l'a mérité, » dit le brave garçon. « Veillez sur vous, et vous vous sauverez, vous et votre mère. Vite, montez, Fernel, pendant que je mets Mrs. Dennison sur le Mustang de Reeves. » En un clin d'œil, les femmes furent en selle, la tête de leurs chevaux tournée vers la plaine. Ralph donna de la main une claque vigoureuse au cheval de Mrs. Dennison, et elles s'élancèrent toutes deux dans cette terrible course long de laquelle la mort était partout, avec au bout le salut. Ralph aussitôt se précipita derrière Buffalo Bill dans le ravin latéral, sur la trace des bandits que leur chef avait envoyé border la crête du grand rocher qui flanquait l'entrée du canyon. Lorsqu'on avait aperçu les soldats, ils étaient au moins un quart de mille. Ils auraient eu le temps, pendant que se passait ce que nous venons de raconter, d'arriver jusqu'au village indien s'ils n'avaient pas trouvé d'obstacle. Mais cette cohue de Port-Rouge qui paraissait fuir en désordre avait, en un parfait mouvement d'ensemble, tourné à gauche avec l'intention d'attirer les cavaliers entre eux et les défenseurs du canyon. Le major Bolton, bien que brave jusqu'à la témérité, vit qu'il ne pouvait pas pénétrer dans le défilé, sans laisser plus de la moitié de ses hommes en arrière-garde. Il tourna donc, lui aussi, abandonnant l'espoir d'enlever le village par surprise. À l'intérieur du canyon, tout était confusion. Les squaws et les enfants faisaient en hâte leurs préparatifs de départ, tandis qu'Oweta rassemblait les guerriers présents, montés sur les mustangs que les gardiens avaient fait rentrer à la première apparence de danger, et leur donnait précipitamment des ordres. Tout cela favorisait la fuite de Madge et de sa mère, et Ralph Duncan y comptait bien lorsqu'ils les avaient lancés dans cette course folle vers la liberté et la vie. Elles descendirent la gorge avec un fracas de tonnerre, passant dans leur fuite éperdue devant les squaws et les enfants abasourdis. Madge bondissait la première, montrant le chemin à Mrs. Dennison sans perdre un instant sa présence d'esprit. Arrivée à l'ouverture du canyon, maintenant toujours son allure, elle tourna brusquement à gauche. Jamais coursiers plus rapides ne volèrent sur la prairie. On eût dit des raies de soleil subitement dardées, là, maintenant et aussitôt ailleurs. Le salut des fugitives parut assuré lorsque les cavaliers, tournant soudain bride, se précipitèrent vers le canyon comme pour couvrir leur retraite. Peut-être Oweta les avait-il vus sans vouloir les poursuivre. En tout cas, pas un guerrier ne s'était lancé après elles. 5 minutes encore, ils étaient hors de tout danger, surtout avec les cavaliers de Bolton entre elles et l'ennemi. À ce moment, un homme apparut debout sur le roc qui les dominait. Un large sombrero ombrageait son brun visage. C'était Mendez le Mexicain, le sanguinaire lieutenant d'El Culebra. Il se tenait comme sculpté dans le granit, les bras étendus le long d'une carabine dont le coup mortel allait infailliblement frapper Madge Dennison. Il y eut un éclair, une bouffée de fumée et une détonation. Et soudain Mendez dégringola la tête la première, et glissant contre la paroi à pic, vint s'abîmer sur les roches qui en bordaient le pied. C'était Buffalo Bill qui venait de faire feu sur le bandit.